Salut. Pourquoi t'es venu ici? Vous écoutez Fadjet sur 94.2. Tout va bien. Sache que ce n'était pas ta faute. Ça ira mieux demain. L'émission! Parce que les séries de demain commencent aujourd'hui. Accompagnez-moi. Notre univers est au bord du précipice. Soyez à mes côtés. J'ai un travail à accomplir, alors je le fais. Je sens que je vais me plaire ici. Bienvenue au palais. Ça ira mieux demain. L'émission! Fadjet. C'est parti pour un nouveau numéro de Ça ira mieux demain, l'émission avec votre serviteur et toujours Laurent qui est là et bien là, évidemment, comme tous les vendredis soirs, avec au menu dans quelques instants un parloir fort sympathique, puisque nous allons revenir dans les années 70 avec, rappelez-vous, cette belle série That 70 Show. Et Netflix a eu la bonne idée de redemander aux acteurs de revenir et 20 ans plus tard de faire That's 90 Show. Et franchement, c'est plutôt sympathique à regarder. Alors bon, il y a toujours des trucs qui m'énervent hein, parce que j'ai jamais été fan des rires enregistrés, mais ça fait partie du plaisir de cette époque-là. Et donc, c'est notre parloir de ce jour. Quelques infos, séries, quelques nouveautés à voir dans la suite de Ça ira mieux demain ensuite. Mais ça fait un petit moment qu'on n'a pas fait de point sur ce que l'on fait, le point, la minute The Last of Us. Et là, je me tourne vers mon complice et compagnon. Où en est-on, Laurent, de The Last of Us? Tu es à jour? Est-ce que tu as vu les 7 épisodes? Je vous rappelle qu'il y a 9 épisodes, on en a déjà vu 7. On arrive à la fin de la saison. On arrive à la fin de ce fabuleux voyage. Quel est ton ressenti, cher ami? Alors, c'est-à-dire que moi, je suis en retard de 2 épisodes. Ah, d'accord. Bon. C'est dire l'envie que... Donc, tu es à la fin du 5. Oui, Donc, j'ai pas vraiment d'engouement. Voilà. Tu vois, je rigole du côté de The Mandalorian, j'en rajoute des caisses, machin, pour... je pense à mon pré-générique. Mais en fait, j'ai plus envie, même si c'est... Tu connais The Mandalorian, c'est... Voilà, le mec marche, et il y a le bébé Yoda. Mais t'as le plaisir de voir le bébé Yoda. Voilà, parce que déjà, à la base, Yoda, dans l'univers Star Wars, voilà, c'est un personnage mythique que tu adores. Donc, le bébé Yoda, ça te rappelle des souvenirs. Alors que du côté de The Last of Us, chaque épisode, tu t'es dit, bon, il faut regarder. Et puis, il y a ce duo, parce qu'on les aime bien, ce petit gros goût, et puis son manteau. Enfin, oui. Même sans trop, ils se parlent quasiment pas, mais eux, ils n'ont pas besoin de se parler pour se comprendre le moindre geste. Et c'est ce qu'on a dit depuis le début. On n'arrive pas à s'identifier à ces deux héros, cette jeune fille et cet homme qui va la prendre sous son aile, qui joue quelque part un petit peu, même si c'est pas son père, le rôle de son protecteur, en fait. Et ils font ce voyage pour essayer d'aller jusqu'à cette ville où il sera possible d'aller dans ce laboratoire qui fera... qui créera, grâce au sang de la jeune fille, l'antidote pour réussir à guérir le monde de ce fameux virus qui transforme les gens en, quelque part, une sorte de zombie. Hein. Enfin, oui. C'est un peu des zombies, quand même. Et finalement, on n'en voit pas tant que ça, parce qu'on nous avait quand même dit que cette série n'était pas à mettre devant les yeux de tout le monde, qu'elle allait effectivement faire peur... Moi, je reprends toujours l'exemple de la série de zombies par excellence de Walking Dead. Oui. Moi, j'ai regardé quelques épisodes de Walking Dead. Et là, franchement, voilà, tu savais où t'étais, quoi. Il n'y avait pas de doute possible. Là, on n'en voit pas quand même beaucoup. The Walking Dead, t'arrives aux saisons 10 et 11, tu es fatigué. Tellement t'en as vu, tellement t'as subi des trucs horribles, tu es fatigué. Et c'est pour ça que quand tu te retrouves devant The Last of Us, alors j'ai discuté avec une fan de cette série qui, elle, me dit « Oui, mais je comprends ce que tu me dis. Mais du côté de The Walking Dead, on était un peu dans l'irréel, puisque voilà, les morts-vivants qui marchent alors qu'ils sont tout pourris, c'est pas possible. Alors que là, The Last of Us, ça pourrait arriver. Une histoire de personnes infectées par des champignons, c'est un peu plus plausible. Mais le gros problème de la série, c'est que on vient de parler The Mandalorian, tu l'as si bien dit, même si le scénario il est écrit, moi je le dis sur le coin d'une table, t'as quand même deux personnages avec qui voilà, t'es attaché. Et de l'autre, t'as une série où bah c'est pas les soi-disant personnages principaux avec qui tu t'attaches. À un moment donné, les premiers personnages à qui je me suis attaché, c'est le couple qui, à un moment donné, vivent ensemble par rapport aux événements. Mais à la fin, malheureusement, on les évacue. Et dernièrement, quand j'ai regardé l'épisode, tu t'attaches à l'enfant noir et à son père. Voilà. Donc tu t'attaches au petit gamin. Ça y est, il va avoir une bande. Tu t'attaches au petit gamin et tout d'un coup, le petit gamin devient un infecté lui aussi. Tu te dis. Bon, d'accord. Alors là, on est un peu dans le syndrome « Demain nous appartient ». C'est-à-dire qu'on massacre les personnages qui pourraient être intéressants et les autres, on les laisse. C'est pour ça que moi, j'ai deux épisodes en retard. J'ai pas une envie folle de me remettre dedans. Alors, bon, c'est vrai, c'est quand même un peu au fur et à mesure des épisodes. Bon, on comprend, c'est-à-dire que voilà, c'est un peu plus intéressant. Je veux dire que les épisodes, même un épisode d'une heure, passe vite. Voilà, alors qu'avant, bon, mais il n'y a pas l'engouement. On aurait 5 épisodes, je pense que là, on irait un par un, quoi. On n'aurait pas forcément envie de, voilà. Je me souviens, quand on regardait tous les deux à son époque 24 heures chrono, si on avait deux épisodes à regarder l'un derrière l'autre, on était super heureux. Et si on n'avait qu'un épisode, mais on restait sur notre fin, on disait c'est pas possible, on veut en voir d'autres. Voilà. On était en attente, mais de dingue. Alors que là, cette série, non. Non, il n'y a pas d'attente. Alors que, voilà, on nous l'avait quand même super bien vendu. Bon, d'ailleurs, on n'en parle plus trop. Non. Il y a un effet de soufflet qui est retombé et il n'y a plus l'engouement. Attention, l'épisode arrive, où on voit la toile qui se déchire autour de ça. Bon. Et c'est dommage, car du côté du visuel, des effets spéciaux, c'est magnifique. C'est magnifique. Franchement, et moi qui ai la chance de le voir sur vraiment grand écran, c'est vraiment très très bien fait. Mais bon, voilà. Et à suivre donc, il ne reste plus que 2 épisodes. Et je me demande bien comment ça va finir, parce que, bon, je ne peux pas te dire, puisque tu n'as pas vu certains épisodes, mais ça ne cesse de rebondir. On croit qu'ils vont arriver, et puis finalement, qu'ils aillent encore après. Oui, alors quand tu sais la finalité, parce qu'à un moment donné, ils vont arriver à ce fameux laboratoire avec Ellie, et là, il va y avoir s'ils suivent le cheminement du jeu, ils vont faire face à une vérité, et ça va faire un sacré retournement de situation. Donc, c'est pour ça que moi, j'ai jamais joué, mais j'ai un collègue qui m'avait fourni les petites scènes qu'il y a entre chaque étape de jeu, et c'est beaucoup plus violent, beaucoup plus surprenant. À chaque image, t'es là, t'es en train de flipper, ils sont dans le noir, ils passent dans des égouts, ils passent dans des maisons sombres, tu te dis, mais que va-t-il se passer? Et là, tu retrouves pas ça dans la série. Ok. Eh bien, écoute, on suivra ça dans les 2 derniers épisodes qui arrivent. Donc, le dernier arrive donc lundi. Allez, musique maintenant avec un beau duo. C'est le nouveau titre de Kenji Girac avec Florent Pagny. Ça s'appelle Encore et c'est tiré du dernier album de Kenji Girac. Nous un ami sommeil, on le réveille parfois. Dans nos matins sans soleil, dans nos chemins de croix. À nous un enfant est là, et je cherche sa main. Pour qu'on me ramène à moi, qu'elle est dans le chemin. Allez viens qu'on oublie le poids des années. Et Paris, les projets déjà dépassés. Je demande un peu de rêve, de vrai. Ramenez-les. attend. Même dans le cœur du soldat, on a voulu jouer les grands, on s'est perdu, je crois. Nous un ami à peine, en se déchirant la voix. Ainsi l'on n'est jamais seul, même au dernier repas. Allez viens qu'on oublie les mots, les regrets. Allez tiens, dans mes nuits la lampe allumée. Je demande un peu de rêve, de vérité. Ramenez. Ça ira mieux demain. L'émission. That's 90's show. Est-ce que vous vous souvenez de cela? C'était il y a plus de 20 ans, la défunte chaîne de télé Canal Jimmy nous proposait en 1999, puis repris ensuite sur France 2, de découvrir la série That's 70's Show, 200 épisodes qui racontaient la vie d'habitants de Point Place, petite ville imaginaire du Wisconsin. Pourquoi est-ce que Hyde embrasse Jackie? C'est quoi ça? Oh, je vais le tuer! Quel saut! Et cette porte, qu'est-ce qu'elle a? Mais c'est pas vrai, il l'emmène! Et qu'est-ce qu'elle a, cette porte? Réfléchis, c'est pas compliqué. Regarde bien. Merci beaucoup. Maintenant, je vais vraiment le tuer. Cette fichue vitre est invisible. À la fin des années 70, Donna Pinciotti est la voisine et petite amie d'Eric Forman. Michael Kelso, la caricature du mannequin stupide. Stephen Hyde, le fan de rock révolté. Jackie Begart, le stéréotype de l'adolescente superficielle. Et Fez, l'étranger d'origine indéfinie qui squatte le sous-sol de la maison des Forman. Sous l'œil bienveillant de la mère, Kitty, une infirmière alcoolique et celui agacé du père, Red Foreman, vétéran de la guerre de Corée. Ce dernier fait souvent preuve d'un manque de reconnaissance à l'égard de son fils, traduisant plutôt une difficulté à montrer ses sentiments. Il y a également Léo, un hippie loufoque, amateur de marijuana, ou encore Mitch et Bob Pinciotti, les parents de Donna et voisins des Foreman. Et voilà que plus de 20 ans plus tard, Netflix ose proposer la suite en 10 épisodes et transfère l'action 20 ans plus tard. En 1995, Leila Foreman, fille d'Eric et de Donna, rend visite à ses grands-parents pour l'été. Elle se lie d'amitié à la nouvelle génération des jeunes de Point Place, sous l'œuf attentif de Kitty et le toujours regard sévère de Red. Il faut que je fasse la liste des courses. Les enfants vont vouloir des friandises. Il faut pas les nourrir, Kitty. Ça a commencé comme ça la première fois. Je vais acheter des mentos, des doritos, des chitons, tous les trucs en tose. Je reprends le service. Qu'est-ce que j'ai fait pour mériter ça? Salut mamie, salut papy. Oh Leila. Parle-moi de Chicago, tu fais quoi là-bas? Je suis une vedette du club de débat. Là-dessus, y a pas de débat. Non, je suis pas très populaire. Salut les nouvelles. Leila, va acheter la tireuse. Pause. Ça va pas marcher. Avec son look de collégienne, ils vont forcément vérifier son âge. Aléa ! Wow, regarde, Nikki, une étoile filante. Fais un vœu. C'est un feu d'artifice. J'aimerais bien rester tout l'été. Alors reste. Ça y est, les enfants. Maintenant, le sous-sol est entièrement à vous. Ta grand-mère vient de nous fournir gratuitement. Et c'est quoi ? Léa, tu veux que je t'explique le complot de Donkey Kong ? C'est un gorille. Intéressant. C'est un peu comme si Cheryl Crow, en fait, c'était pas un corbeau. Ça roule. Et si tu t'inquiètes de pas t'intégrer au reste de la bande, t'as trouvé la bande des marginaux. J'en reviens pas que Jet ait pas embrassé. Oh mon Dieu ! Mon mec a des salons de coiffure. T'as dû voir sa pub, elle passe tout le temps. Ravi de vous revoir chez Fess. C'est un honneur de faire de votre beauté ma priorité. Pourquoi as-tu fait à nouveau entrer le chaos sous notre toit? Tous ces imbéciles avaient fiché le camp! C'est tellement agréable quand la maison est pleine de monde. Ça me comble de joie. En ce moment, c'est un peu dur entre Eric et Leila. Écoute, tout ce que je sais, c'est que je l'aime et que je serai à 100% derrière elle, quoi qu'elle fasse. Ça, c'est une excellente idée. Parce qu'il se trouve que quand on est derrière son gosse, c'est plus facile de lui mettre un coup de pied. Oui, on a compris, papa. Merci. That's 90 Show se veut donc à la fois une série originale et quelque chose de plus familier. Mais les nouveautés dans That's 90 Show proviennent majoritairement des éléments les plus anciens et les plus familiers. Dans la série originale, nous suivions donc Eric Foreman et ses amis. Pour cette nouvelle édition, nous avons une sorte de copier-coller de ce que la série originale avait comme point de départ. Nous avons donc la fille d'Eric et Donna, Léa qui a décidé de passer ses vacances avec ses grands-parents. Certains moments permettent souvent de nous rappeler à quel point la comédie de la Fox, diffuseur américain, était hilarante et charmante en même temps. That 90's Show tient plutôt bien ses promesses, sans devenir une série exceptionnelle. La série veut donner assez de place à tous les personnages pour que l'on profite des atouts de tous. Mais That 90's Show oublie par moments de laisser les plus jeunes briller quand les anciens revenus pour l'occasion prennent trop de place. Mais d'un autre côté, on est quand même très content de les retrouver. Looking out a dirty old window, outside the cars in the city go rushing by. I sit here alone and I wonder why. Friday night and everyone's moving, I can feel the heat but it's soothing, heading down. I search for the beat in this dirty town. Downtown Neon with a going, downtown Neon with a going. We're the kids in America, we're the kids in America. Everybody live for the music around. Bright lights and music, it's faster. Look boy, don't check on your watch, not another glance. I'm not leaving now, honey, not a chance. Hot shot, give me no problems. Much later, baby, you'll be saying never mind. You know life is cruel, life is never kind. That 90's Show parvient tout de même à trouver son propre ton au fil des épisodes. On retrouve aussi des éléments de That 70's Show qui sont plus que familiers. Les intrigues sont certes toujours prévisibles, mais certaines scènes sont hilarantes et d'autres plus touchantes. Les références à la pop culture sont elles aussi présentes. Les blagues sur CK1 et Batman Forever sont plutôt bien trouvées. Et même une parodie de « Maman, j'ai raté l'avion » faire son petit effet. That 90's Show se repose donc sur un héritage solide de la série originale, tout en essayant de créer quelque chose de différent et d'original. Le voyage est suffisamment agréable pour passer un bon moment. Notons la performance de Debra Jo Rupt, vétéran de la série originale, en grand-mère Kitty, est encore plus délicieuse que dans That 70's Show. Elle est l'actrice la plus drôle de ces 10 nouveaux épisodes et on sent que les scénaristes et les producteurs ont tout misé sur elle. Et c'est plutôt une réussite. Hey, this is radio station WSKE. Taking calls on the wish line, making your wacky wishes come true. Hello? I wish I was a little bit taller. I wish I was a baller. I wish I had a girl who looked good, I would call her. Wish I had a rabbit in a hat with a bat and a 6-4 parlor. I wish I was like 6'9" so I could get with Leoshi, cause she don't know me, but yo, she's really fine. You know, I see her all the time, everywhere I go, and even in my dreams, I can scheme a way to make her mine. Alors bon, perso, comme dans les années 90, j'ai toujours autant de mal avec les rires enregistrés. Et oui, sitcom oblige. Mais on va dire que cela fait partie de l'époque. Les fans du show ne devraient donc pas être déçus. Et les autres se délecteront de cette pastille d'humour dont nous avons tous besoin en ce moment. Direction donc Netflix pour vivre les aventures. That's 90 show. So me and her together, right? So when I asked her out, she said I wasn't a type. I wish I was a little bit taller. I wish I was a baller. I wish I had a girl who looked good, I would call her. That's 90 Show, le parloir de ce soir. Franchement, voilà, si vous êtes en famille, si vous n'avez pas grand-chose à faire en attendant de regarder une série ou une autre, regardez un petit épisode comme ça, ici ou là, et ça va vous divertir. C'est vrai que ça fait plaisir de retrouver cette mamie, hein, qui est un peu, bien sûr, qui a pris quelques rides, mais qui est toujours, mais alors, au mieux de sa forme. Voilà, c'est une petite pépite qui change. Et voilà, comme dit Laurent, et qui c'est bien de pas toujours avoir des choses un peu dures ou difficiles. On parlait de The Last of Us, on parlait des séries policières où il y a toujours des meurtres. Ça, c'est voilà, c'est un peu comme Maggie. On parlait de Maggie, hein, oui, il y a quelques temps, un peu dans l'émission. Ben voilà, c'est ces genres de petites pépites qu'on aime regarder, qui ne révolutionnent pas le monde des série, mais qui reste un peu intemporel et dont on se délecte très facilement. Et ça fait du bien pour faire une pause par rapport à ce qu'on nous propose en ce moment. Exactement. Allez, juste une petite info pour ceux qui sont fans, la suite de You arrive cette semaine, la deuxième partie. Vous savez que la diffusion de la nouvelle série de la saison 4 était en deux parties. Eh bien, la deuxième, si vous êtes à jour de la première partie, la deuxième partie arrive cette semaine. Et donc, ne ratez pas la suite de notre ami à Londres. C'en est fini de ce tunnel de série. Moi, je vous retrouve dans une trentaine de minutes pour la révélation du nouveau Hot 40, Les Enfoirés. Hein, si vous ne voulez pas rater ce grand événement de télé, ce sera à 21h10 sur TF1. Et puis nous, on se retrouve, bien sûr, la semaine prochaine, Laurent. La semaine prochaine, pour un nouveau numéro de Destination Série et un nouveau numéro de Ça ira mieux demain. Allez, bon week-end, à tout à l'heure pour moi. Prenez un bon week-end, bye bye.